Troisième partie, chapitre 1. Quand j'ai commencé cette histoire, je ne pensais pas que j'irais plus loin, et en effet, pendant un temps, je ne l'ai pas continué. Ce n'est qu'aujourd'hui que je m'y suis remis. Peut-être est-ce seulement parce qu'il fait beau. Il y a un petit vent de l'est qui fait bouger les bateaux au bout de leur chaîne. Ils se frottent l'un à l'autre, comme s'ils avaient des puces. Il fait bleu partout dans l'air et sur l'eau. On ne voit pas où l'air finit et où l'eau commence. C'est un tout qui fait bloc. Avec là-bas, une montagne en air pétri. Ils ont fait comme des pains d'air qu'ils ont mis sécher au soleil. Et je me dis qu'en s'appliquant, on verrait peut-être à travers. J'ai été, ce matin, lever les filets avec John. Je suis rentré. J'ai poussé ma table contre la fenêtre. C'est une table qui m'a coûté 5 francs, mais elle me rend les mêmes services que si elle en valait 10 fois plus. Et, m'étant donc assis, j'ai rouvert mon cahier. J'en suis maintenant au 15e. L'idée de la chose m'est venue voilà 4 ou 5 ans. J'en avais alors 60 environ. C'était un jour où j'étais allé pêcher à la ligne de fond, du côté de la petite île où il y a pas mal de perches. Pourtant, ce jour-là, ça ne mordait pas. Et, assis à l'arrière de mon bateau, ayant déroulé ma ligne à double hameçon, j'avais beau attendre, il ne venait rien. Le temps était gris, on se sentait triste, je m'étais mis à penser à ma vie. J'étais effrayé de voir le peu qui m'en restait. La mort que j'avais devant moi, il me semblait la sentir venir aussi par derrière. J'étais comme quelqu'un qu'on serre par le cou. C'était un mouvement pour échapper. Ce mouvement que je faisais, tendant le menton et levant la tête. Temps gris, le poisson mordant mal. Le bateau vert, large, carré. 3 bancs dedans, moi à l'arrière. Et moi alors, fermant les yeux, redescendant avec effort parmi ces choses disparues, mais sans parvenir à les retrouver. Ou bien, quand j'en attrapais une, l'autre que je tenais déjà m'échappait parce que j'avais les mains pleines. Les rames grinçaient contre le bordage. Il y avait des corbeaux qui tournaient autour des peupliers. Ils criaient avec des cris aigres comme une scie mal graissée quand elle mord dans du bois vert. C'est à ce moment que l'idée d'écrire ma vie m'est venue, me disant que sur le papier, ces choses que j'ai dites seraient plus faciles à fixer. Jamais encore je ne m'y étais essayé, mais je pensais au temps de mes compositions pour Monsieur Loup. Je me disais, pourquoi t'en tirerais-tu plus mal qu'un autre ? Tellement que le lendemain, déjà, j'allais chez Madame Emery. Il me faut de l'encre, une plume et des cahiers. Elle m'a dit, alors, vous vous lancez dans les écritures ? Je lui ai répondu, on a des comptes à régler. Elle a compris que j'entendais par là des comptes de poissons à cause de mon métier. Elle a hoché la tête, l'air de dire, il paraît que le métier va bien. Elle a dû monter sur un tabouret parce qu'elle tient son encre sur un rayon près du plafond, en compagnie des choses qui ne sont pas de vente. Elle a essuyé la bouteille avec son tablier. Je lui ai demandé des plumes. Je les ai voulues à la rose. J'en ai eu 3 pour 1 sou. Enfin sont venus les cahiers. C'étaient des cahiers d'école. Il y avait des lignes violettes. Je lui ai dit, les lignes ne seront pas de trop. J'aurais peur d'aller de travers. J'ai eu bien de la peine au commencement. Il me semblait que jamais je n'arriverais au bout de mes phrases. Ou bien elles étaient trop courtes. Il me fallait hacher mes idées pour les y faire entrer. Ou bien elle s'allongeait indéfiniment et je ne me comprenais plus moi-même. Mais je suis têtu, c'est tant mieux des fois. À la place de reculer, je marque-boutais contre les mots, poussant dessus de toutes mes forces, il a bien fallu qu'il finisse par céder. Alors je n'ai plus eu qu'à m'occuper des choses. Là aussi j'ai eu bien de la difficulté, mais elles se sont appelées l'une l'autre. Il y a un enchaînement qu'il faut retrouver. Je me suis dit, tu laisseras des vides là où tu ne te souviens plus du détail, et certaines, tu n'as pas besoin de les dire. C'est un parti qu'on prend, on est soutenu. Et c'est ainsi que j'ai été petit garçon, puis jeune homme, puis homme. C'est ainsi que j'ai passé de la Maladière à Roche, de Roche dans le Gros de Vaud, de là en Savoie, et de la Savoie à Paris, et de Paris à Vevey. C'est ainsi que Mélanie est venue, puis du Borgel, et puis Louise. C'est ainsi que, finalement, je me suis retrouvé à l'endroit d'où j'étais parti. Et là, comme j'ai dit, je pensais m'arrêter, parce que depuis lors, rien n'est survenu dans ma vie. Mais aujourd'hui, il fait beau, et je me sens tenu par l'habitude, et puis, il y a peut-être encore des explications à donner. J'ai donc rouvert ce 15e cahier, et en haut de la page blanche, j'ai écrit « 15 septembre 1904 ». On en était resté quand je suis sorti de l'auberge, avec Jordan. Il voulait me prendre avec lui pour aller voir sa femme. Je m'étais mise à rire. Bien sûr qu'il a cru que je me moquais de lui. Il fouette son cheval et je roule sur la route. Je restais un moment étendu sur le dos avant de me relever. J'étais bien. Je voyais au-dessus de moi un grand ciel plein d'étoiles. Il y en avait bien 10 000. Elle me regardait avec un air de m'approuver. Je n'aurais pas demandé mieux que de passer la nuit où j'étais. Je me disais, tu vas fermer les yeux, tu mettras ton bras sous ta tête, tu dormiras comme un enfant. Mais tout à coup, je songeais qu'on pouvait me voir, aucune voiture pouvait arriver. Et d'abord, je m'assis, puis, m'appuyant sur mes deux mains, je fis demi-tour sur moi-même. Le reste alla sans trop de peine, pourtant il ne me fallait pas songer à aller bien loin. J'aperçus à quelques pas devant moi le jeu de quilles, et sur un des côtés le petit chemin en pente, fait de 2 traverses de bois, par où la boule redescend. L'idée me vint de m'y asseoir. J'y arrive, je m'assieds. À ce moment encore, j'étais bien. Il faisait seulement un peu trouble dans ma tête, et je continuais de rire, regardant vaguement devant moi les fenêtres éclairées de l'auberge et le toit tout noir sur le ciel. Il me semblait qu'il balançait. Les fenêtres, elles, tour à tour, s'allongeaient ou bien s'élargissaient. Il n'y avait nulle part immobilité quant aux choses. Moi-même, je me sentais penché. « Ce n'est pas étonnant, me disais-je, j'ai une fesse plus haute que l'autre. » Et là-dessus, il n'a pas voulu, Jordan. Une grosse gaieté me venait. Puis je me sentais tout moindre, puis la gaieté revenait. Mais cette fois, Jordan n'en était plus la cause. Je l'avais oublié. Cette gaieté me venait des fenêtres. « Sapristi, me disais-je, faut-il que la maçonnerie soit peu solide pour qu'elle se déplace ainsi ? En quoi est-ce fait, ces maisons ?» Il y avait une étoile rouge, plus grosse que les autres. Elle avait la forme d'un œil. Il me sembla que des gens sortaient de l'auberge et qu'ils parlaient entre eux. J'en étais pas bien sûr. En tout cas, personne ne pouvait me voir à cause de l'obscurité. Une porte se ferma avec bruit. Il ne resta rien que le chantonnement doux d'un petit vent parmi les arbres. Il me disait « Samuel, Samuel ». « Parfaitement, lui répondis-je. Samuel Belet, pour te servir. » Il s'était mis à rire, comme moi, et on causait, les deux, comme de bons amis. Mais j'éprouvais soudain une grande douleur, comme quand on ôte un bandage de dessus une plaie. En même temps, ayant mis la main dans ma poche, je me sentis piqué au doigt. C'était la broche de Louise. Je l'avais prise et la tournais et retournais dans le creux de ma main, tandis que des larmes me venaient aux yeux. Je m'étais mise à parler tout haut. « Tout ça est bien joli, peut-être, mais la seule chose qui soit vraie, c'est que tu n'as plus personne sur la terre. Tout le reste est vanité. Tu t'es saoulé, c'est entendu, mais à présent, que vas-tu faire ? Tu as 42 ans, Samuel. Tu as peut-être encore bien des années à vivre. Comment vas-tu les vivre ?» Ainsi, les vapeurs se levaient, et ce qui se montrait dessous, j'aurais autant aimé ne pas le voir, mais comment faire ? Je vis qu'il me fallait regarder les choses en face. La tête dans mes mains, je me mis à réfléchir. Il était 10 heures passées quand j'allais heurter à l'auberge et je demandais une chambre. Le lendemain matin, j'étais levé de très bonne heure. On me fit inscrire mon nom dans le livre. Le patron, l'ayant lu, prit un air intéressé. « C'est que c'est un nom du pays, me dit-il. Je crois bien, je suis de Pras-dessus. C'est drôle, je ne vous remets pas. » « Ça n'a rien d'étonnant, lui dis-je. Il y a plus de 20 ans que je l'ai quitté, le pays. »« C'est pourtant bien vous qui étiez hier soir dans la salle à boire avec Jordan. » Je dis, « C'était bien moi. On était liés, autrefois. On a refait connaissance. » Et, comme il hochait la tête, « Est-ce que le père Pinget vit encore ?» repris-je. « Bien sûr, mais il se fait vieux. Il doit avoir plus de 70. »« Est-ce qu'il a toujours le même métier ?»« Oui, seulement il n'y voit plus. Et il a bien un aide, mais pour ce qui lui sert ?» « Alors, vous devinez ?»« Je m'en vais aller le voir, dis-je. J'aurai quelque chose à lui demander. » J'ai été trouver le père Pinget. Il a fini par accepter. C'est que 1 000 francs le tentaient tout de même. Je lui avais dit, on s'en servira pour remettre à neuf la maison. Dès le lendemain, j'étais installé chez lui. Je n'eus qu'à aller chercher mon sac au 22 cantons. Puis, comme il fallait profiter de l'hiver, qui est le moment où on a le moins d'ouvrage, je fis venir Pelanda, le maçon. Il me fit un petit plan avec un devis. L'ancienne baraque était toute en planches. Je voulus que la nouvelle eût un soubassement de pierre, vu que le bois pourrit facilement. Il ne s'agissait d'ailleurs pas de démolir l'ancienne. Il s'agissait seulement de l'agrandir. Je choisis des briques en ciment comprimé, qui sont les meilleures. Quant au toit, il fut décidé qu'on le ferait en carton bitumé. On aurait ainsi deux pièces, la première qui servirait de cuisine, la seconde où on coucherait. Cela donnait quelque chose comme sur le dessin que voici. Le rectangle de gauche représentait l'ancienne maison, si on peut lui donner ce nom. Celui de droite, la partie ajoutée. Comme l'hiver était doux, on put se mettre à la besogne sitôt après le nouvel an. Mon métier de charpentier me fut utile. J'avais seulement pris un ouvrier à la journée. Les planches, on les dressait, on les ajustait et on les clouait. Puis, par-dessus les joints, on fixait des lattes. Dès la fin de février, la nouvelle maison était sous toit. Les rouleaux de toile goudronnée arrivèrent, on en mit trois épaisseurs. Pour ce qui est de l'aménagement intérieur, je ne reculais pas devant les frais. J'achetai une table, deux chaises, un lit complet et une batterie de cuisine. Le père Pinget vivait de café noir, j'avais besoin de quelque chose de plus solide. Comme il n'y avait pas moyen de cuisiner sur le poêle, qui était trop étroit, je fis aussi emplette d'un fourneau. Là-dessus, un coup de balai, un peu de peinture par-ci par-là. En mars, nous étions tout à fait chez nous. On fit une petite fête, il fallait voir comme c'était joli. Il y avait à présent deux fenêtres, elles donnaient toutes les deux sur le lac. Tout près de nous, il y avait la ligne d'abord verte, puis bleue, de l'eau montant en pente vers les montagnes faisant fond, et on voyait parmi le sable les petits dessins qui avaient laissé les vagues en se retirant. On était orienté juste au midi, du soleil toute la journée. Dès qu'il sortait là-bas de derrière les diablerets, il venait heurter au carreau. Quand les deux verres eurent été posés sur la table et la bouteille entre nous deux, qui est-ce qui aurait pensé il y a 25 ans, dis-je, qu'un jour on vivrait ensemble? Le père Pinget ne parlait pas beaucoup, il prit son verre, et ayant trinqué avec moi, il se contenta de le vider. On ne dit pas un mot de plus, mais à tout moment il sortait sa tabatière, et c'était bon signe chez lui. Je me mis tout de suite à mon nouveau métier. Il me fallut d'abord apprendre à bien tenir les rames et à bien prendre les virages quand on allait relever les filets. Il me fallut ensuite apprendre à connaître les différentes sortes de poissons et où chacune se tenait et l'appât de chacune d'elles. Puis la pose du filet même. On avait encore le vieux filet à bouée qu'on tend le soir et qu'on va lever le matin. Pas ces grands diables de filets qu'on nomme piques, qu'on repère la nuit avec des lanternes. Et avec quoi les Savoyards nous volent tout notre poisson. Un bon vieux filet de 9 mètres qu'on tendait pas très loin du bord et qui prenait ce qu'il pouvait. J'ai oublié de dire que, comme il me restait environ 200 francs, les constructions terminées, je les avais employés à acheter une péniche neuve, l'ancienne étant lourde, mal commode et prenant l'eau. C'est à quoi le père Pinget fut le plus sensible. La bâtisse l'intéressait peu. Il ne comprenait pas bien pourquoi j'avais besoin de tant de place et qu'il me fallut un lit quand une paillasse lui suffisait. Mais l'idée qu'il allait avoir un bateau neuf lui fit plaisir. Je l'avais fait peindre en vert, comme l'ancien, avec le même nom écrit à l'avant, la coquette, et le même système de rames à cheville pour qu'il ne fût pas trop dépaysé. Il n'eut que le plaisir de sentir la coque légère et docile sous sa main, à quoi venait s'ajouter le joli dessin du bordage, la belle renflure des lignes, tout l'ensemble des proportions et le bois qui était de choix. Il prisa tant ce soir-là qu'il vida sa tabatière. Il n'arrêtait plus d'éternuer. Chaque fois, il tirait de sa poche un grand mouchoir rouge où il se mouchait avec bruit. Ses petits yeux gris lui pleuraient. Au moment de se mettre au lit, il se tourna vers moi. « Gare à eux !» me dit-il. Et ce fut tout, mais j'avais compris. Il ne voyait que son poisson. J'avais des dispositions, paraît-il. Le printemps n'était pas encore venu que je me tirais d'affaire tout seul. Est-ce la raison pour laquelle nous nous entendîmes si bien, le père Pinget et moi? Le fait est qu'il n'y eut jamais entre nous de dispute. Je lui obéissais d'ailleurs en tout, et c'était assez naturel. L'amour-propre, je n'en avais plus, et nous nous étions facilement partagé la besogne, tant pour ce qui était des travaux du dehors que pour ceux du dedans. Alors, une fois la journée finie, il faisait bon se reposer. Le père Pinget allait et venait. Voûté, un peu boiteux à cause de ses varices, il tournait en rond, les mains dans ses poches. Il allait voir si les bateaux étaient bien amarrés. Il revenait, il s'arrêtait près des filets mis à sécher. Il les dépendait, il les rependait. Puis, il retournait au bateau. Je l'entendais éternuer après chacune de ses prises. Pour moi, je restais bien tranquille sur le devant de la maison. Je bourrais soigneusement ma grosse pipe de bruyère que je réservais pour ces moments-là, et je tirais dessus à toute petite bouffée, ménagée de mon tabac et ménagée de mon plaisir. On entendait sonner 7 heures au village, le soleil se couchait, les vagues, une à une, venaient mourir parmi le sable et le gravier, avec un petit bruit pareil à un soupir de contentement, l'air de dire « il fait bon s'étendre », et à cela répondait sur la rive le soupir du vent doux dans les saules, aux branches desquelles des chatons pendaient, 1000 et 1000 petites chenilles jaunes qui leur donnaient de loin un air d'automne, un air fané, mais de plus près venait leur odeur de sève sucrée. Alors on pensait, mais c'est au contraire le plus beau moment du printemps. Le lac, cependant, tournait au gris. Il ne restait plus de roses qu'au creux des vagues. Tout un alignement de minces bandes roses qui flottaient comme des rubans. Et dans le ciel aussi, les nuages se dispersaient, s'éteignant l'un après l'autre. Un dernier cri d'oiseau, tout se taisait. Les arbres noircissaient dans l'ombre. Et le père Pinget devenait tout noir, qui se tenait debout sur le petit débarcadère. Il secouait par moments la tête, parlant tout haut selon son habitude. Je vidais ma pipe sur le bord du banc. « Eh, dites donc là-bas, ce serait peut-être le moment de venir manger la soupe !» Mais le père Pinget ne se pressait jamais. J'étais rentré depuis un moment déjà que je l'apercevais toujours debout à la même place. J'allumais la grosse lampe en cuivre qui pendait au plafond.